Ndiko Banyanga. Le duo Chancela et Patrick assure la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganiro, à ce journal de ce dimanche 19 mars 2023, dont voici d'abord le sommaire. Analyse et adoption du projet de construction d'une usine de fabrication des intrants agricoles par le Conseil des ministres mercredi. Ces derniers seront fabriqués de façon différente et adaptée à chaque région agricole. Vous aurez les détails avec le porte-parole et secrétaire général du gouvernement. 34 villages dans 3 communes de la province Kirundo sont désormais dotés d'électricité installée dans le cadre du projet d'électrification rurale inauguré par le ministre de l'Énergie et Mines ce samedi à Nyarunazi de la colline Kagege, commune Boussouni. Vous aurez les détails. L'habitude de lire les textes écrits en kiswahili et demander en cas de besoin la signification des mots qui sont en dehors des connaissances du journaliste sont parmi les stratégies aux bonnes productions ou présentations des émissions et journaux en kiswahili, selon Dr Hussein Ali Mouigny, président de l'île de Zanzibar ce samedi. Le détail, ce sera avec Omer Ndouayo, notre envoyé spécial à Zanzibar et participant au congrès des radios et télévisions qui diffusent en kiswahili au niveau Afrique. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le Conseil des ministres est tenu mercredi de la semaine en cours à analyser et adopter le projet de construction d'une usine de fabrication des intrants agricoles. Prosper Nagwami est secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Précise que le but est d'augmenter la production car, dit-il, la formule permet d'adapter la culture à la région. On l'écoute. Le gouvernement du Burundi a placé l'agriculture au sommet des priorités capables d'accélérer la croissance économique. Un des éléments clés du développement de ce secteur est la disponibilité des intrants agricoles de qualité et plus particulièrement les fertilisants. Depuis quelques années, la demande en engrais n'a cessé d'augmenter, passant de 13 000 tonnes en 2013 à plus de 90 000 tonnes en 2022. L'usine FOMI n'est pas parvenue à satisfaire cette demande. Après l'élaboration des cartes de fertilité au niveau national et par zone agroécologique par l'ISABU en 2022, il a été remarqué des carences en éléments majeurs et aussi en micronutriments. Et les pratiques actuelles de fertilisation devraient apporter des réponses à cette problématique de la fertilité des sols. Devant cette situation de la fertilité des sols, le présent projet préconise apporter les oligo-éléments nécessaires à la croissance des plantes. Ce système permettra de produire des formules adaptées à la catégorie de culture et de régions naturelles en apportant des éléments nutritifs en quantité et en qualité suffisante. L'installation de cette usine permettra au gouvernement du Burundi de produire les engrais de qualité qui sont actuellement importés malgré la présence de l'usine FOMI. L'objectif global du projet est de contribuer à l'augmentation de la productivité du sol par la production locale des engrais de qualité et de formules adaptées aux exigences du sol selon les zones agroécologiques. Après échange et débat sur ce dossier, le Conseil des ministres a apprécié le projet et a recommandé ce qui suit. Faire en sorte que le produit soit de qualité. Impliquer les techniciens du ministère en charge de l'agriculture et ceux de l'Université du Burundi pour qu'ils appuient dans ce projet. Protéger autant que faire se peut les innovations et les industries burundaises. Prosper Nagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. L'actualité continue sur Isanganiro. Je vous le disais en titre, 34 villages dans 3 communes de la province de Kirundo sont dotés d'électricité installée dans le cadre du projet d'électrification rurale. Propos du ministre Ibrahim Widzeye ayant l'hydraulique, l'énergie et mines dans ses attributions. Dans les activités d'inauguration du projet d'électrification ce samedi à Nyarunazi, en commune Boussouni de la province de Kirundo. Les détails avec Agnès Naumagatse. Ces 34 villages sont de 3 communes de la province de Kirundo qui sont Bgambarangwe, Boussouni et Gitobe. Les 9 000 ménages issus de ces 3 communes ont bénéficié de l'électricité du projet d'électrification rurale de la province Kirundo, comme l'indique le ministre ayant l'hydraulique, l'énergie et les mines dans ses attributions, Widzeye Ibrahim. Comme la même source a continué à souligner, ce projet d'électrification a été exécuté avec une enveloppe de 24 millions de dollars, mais que 9 millions de reliquats seront utilisés dans la deuxième phase. Le ministre Widzeye Ibrahim rassure les ménages qui n'ont pas bénéficié de l'électricité au premier tour, qui seront servis avec les 9 millions de dollars de reliquats restés. 40 petits centres seront servis avec ces 9 millions de reliquats. Il a continué à montrer que le taux d'électrification au Burundi a monté de 3% avec ce projet d'électrification. Signalons que ce projet a été inauguré ce samedi à Nyarunazi sur la colline Kagege de la commune Wusoni par son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Depuis Kirundo, Agnès Ntahomagadze pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Parlons presse à présent. L'habitude de lire des textes écrits en kiswahili est demandée en cas de besoin. La signification des mots qui sont en dehors des connaissances du journaliste sont parmi les stratégies pouvant faciliter les journalistes aux bonnes productions ou présentations des émissions et journaux en kiswahili. Appel du docteur Hussein Ali Mouini, président de l'île de Zanzibar, ce samedi dans le congrès international des médias qui diffusent des émissions et éditions en kiswahili, ceux qui ont été primés suite aux meilleures émissions réalisées, explique qu'ils utilisent différentes stratégies, à savoir l'imitation de leurs aînés dans le journalisme. Depuis Zanzibar, Omer Ndouayo, notre envoyé spécial. La connaissance d'une langue est le pas préalable de son utilisation. La maîtrise d'utilisation de cette langue dans un style simple, raisonnable et compréhensible est la manière d'éduquer l'auditeur et le lecteur. Ayant la volonté de connaître cette langue, imita l'utilisateur. C'est du moins la stratégie adoptée par les journalistes provenant de différents médias du monde qui ont été primés par le Conseil du Kiswahili à Zanzibar, baptisé en sigle, afin de témoigner que ce conseil soutient la façon dont ces journalistes utilisent le Swahili courant pour éduquer la communauté qu'ils servent. Selon Edith Nibakwe, participante provenant de Rwanda, il serait mieux qu'un journaliste prépare bien son émission ou journal avant de prendre le micro, commençant par élaborer un conducteur bien détaillé pour éviter de se tromper. Elle trouve que si le journaliste ne respecte pas cet ordre, il se retrouve dans un devoir d'emprunter les mots dans d'autres langues ou dans un manque total d'un vrai mot de la langue utilisée lors de la diffusion. Salim Kikeke de la BBC, qui participe à ce congrès par moyen de vidéoconférence, revient sur la rigueur de permettre le journaliste de passer au micro après qu'il ait un niveau appréciable dans le métier de journalisme qui n'est plus une nécessité et se demande d'où est passée cette culture. Docteur Hussein Al-Mouini, président de l'IRD de Zanzibar et l'invité d'honneur dans ce congrès, estime que des lectures intensives, des œuvres réalisées en kiswahili et avoir la culture de toujours demander lorsque des ambiguïtés se produisent pourrait aider les journalistes à produire des émissions et journaux en swahili facile pour permettre les auditeurs d'apprendre le kiswahili par imitation. Depuis Zanzibar, en République unie de la Tanzanie, Omer Ndouayo pour le compte de la radio Isanganiro. A précisé que notre confrère Omer Ndouayo participe également à ce congrès. Dernier dossier de l'actualité nationale, la direction communale de l'éducation qui n'obtiendra pas un taux de réussite de 97% dans différents tests nationaux aura à s'expliquer. Propos du gouverneur de la province Ngozi ce samedi lors de l'auto-évaluation des réalisations de cette province l'an passé. Emmanuel Nachonsanze déplore la 9e place obtenue l'année dernière à l'Exeta et même celle au concours national. Le pari, selon cette autorité, est d'être cette année parmi les premières places, n'est-ce pas Apollinaire Muzagal? Dans cette réunion, le gouverneur de la province Ngozi a déploré les places obtenues par cette province dans l'examen d'État et au concours national donnant accès à l'enseignement post-fondamental ces dernières années. L'an passé, cette province a occupé la 9e place à l'Exeta et la 6e au concours national. Parmi les raisons de son faible taux de réussite figure l'éloignement des enseignants par rapport au lieu de travail, qui fait que bon nombre d'éducateurs perdent énormément de temps à l'attente de ceux qui les déplacent. Le gouverneur Emmanuel Nachonsanze promet de s'asseoir ensemble bientôt avec tous les concernés pour trouver remède à ce problème. Il a alors annoncé que le pari est d'obtenir au moins 87% de réussite cette année 2023. Le gouverneur de la province Ngozi semble mettre en garde tout essayer qui ne parviendra, mais il dit être confiant. Vu différentes réunions tenues avec les responsables de l'éducation pour y arriver, il invite à cette occasion les habitants de Ngozi au planning familial afin de faire face aux problèmes d'insuffisance de salles de classe, bancs pupitres et autres qui ne cessent de se répéter. Il le dit au moment où la commune Nyamurenza a actuellement une population de 722 habitants par kilomètre carré. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Après l'actualité nationale, parlons l'actualité internationale. L'actualité internationale, donc, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu à Mariupol pour une visite de travail. On rapporté dimanche les médias russes cités par Reuters. Le port de Mariupol, situé sur la mer d'Azov, dans le sud-est de l'Ukraine, est occupé par les forces russes depuis le mois de mai dernier. Vladimir Poutine s'est rendu à Mariupol en hélicoptère, a rapporté l'agence de presse russe TASS citant le Kremlin. Au moins 12 personnes sont mortes samedi 18 mars lors d'un séisme de magnitude 6.5 dans le sud de l'Équateur qui a aussi touché le Pérou selon un bilan officiel. Pour le moment, nous avons 12 morts, dont 11 dans la province d'El Oro et 1 dans celle d'Azuay, a indiqué la présidence de l'Équateur sur Twitter. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Chancela et Patrick qui étaient de l'autre côté de la vitrine à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Continuez à savourer cette journée dominicale. Au revoir.